bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et pendant ces deux heures-là, bien, on va entendre du rock progressif. Et à l'émission aujourd'hui, on a Cast du Mexique, Mustapha Ketty et The Morpheus Project. Ça, c'est un groupe multinational. On a Can Freud Kafka d'Espagne, Curse Pink de Norvège, et aussi de Norvège, Motor Psycho. Ensuite, on va aller aux États-Unis avec Elysian Fields. Ensuite, la Suède avec Wonderland. On va poursuivre avec Banco de Gaia. Ça, c'est un groupe multinational. Et on aura aussi Lorenzo Esposito Fomassari, ou l'acronyme LEF. Ça aussi, c'est un groupe multinational. Et on va terminer en Angleterre avec Tony Lowe et Archive. Bon, maintenant, du côté du rock progressif qui est destiné au premier bloc de l'émission, mais il s'agit d'un album qui est paru récemment. C'est le 20e de la formation mexicaine Cast. Et l'album s'intitule Vigésimus. Et j'ai trois pièces pour vous. La première pièce, c'est Manly. Ensuite, c'est Contacto. Et on finira avec Dredging to the Higher Plane. Je rappelle que l'album contient 10 pièces pour un total de 76 minutes. Alors, c'est très généreux. Et j'espère que vous aimez le rock progressif symphonique parce que c'est la marque de commerce du groupe mexicain Cast. Alors, on débute ça avec Manly. We'll be right back. we must align to reach the higher plane. We'll raise the goals above, above. Let's stretch above some more. Let's dust, we must align to reach the higher plane. We'll raise the goals above. Oh, Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Avant de débuter le deuxième bloc, on va faire un petit retour en arrière avec ce qu'on a entendu avant la pause. C'était la formation mexicaine Cast et trois extraits de leur plus récent album Vigésimus. Maintenant, on va débuter le deuxième bloc avec Mustapha Keti et le Morpheus Project. Mustapha Keti, c'est un musicien du Sri Lanka qui a immigré en Irlande et qui a fait plusieurs séjours aux États-Unis et en Angleterre. Et il a regroupé plusieurs musiciens pour produire l'album Mosaïque. Ça, c'est sorti il y a quelques semaines. On en a fait jouer la semaine dernière et on reprend ça cette semaine avec la pièce Dancing with Elves. Ensuite, j'aime bien le groupe espagnol Can Freud Kafka. Et ils ont deux albums studio. Le premier qui est paru en 2014, No Tengas Miedo. Et le second en 2017, Onirico. Et c'est extrait de l'album de 2014, No Tengas Miedo, que j'ai choisi pour vous la pièce Hombre. Et on va conclure avec un groupe norvégien du nom de Curse Pink. C'est un groupe quand même qui existe depuis plusieurs années. Ils ont déjà sept albums studio, dont le plus récent qui s'intitule Presence of Life. Je rappelle que ce sont des musiciens aussi qui participent au groupe Magic Pie. On reconnaît d'ailleurs la signature du chanteur Erico Hoxson. Et pour l'occasion aujourd'hui, bien, j'ai extrait de l'album Presence of Life, Away from Shadows.

l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Je rappelle aux auditeurs que l'information concernant les pièces qui sont diffusées durant l'émission Rock de Neurones, eh bien, toute l'information est disponible sur la page Facebook de l'émission. Et avant de débuter le troisième bloc, j'aimerais rappeler que ce qu'on a entendu avant la pause, c'était la formation norvégienne Curse Pink, et ça a été précédé du groupe d'Espagne Canfreud Kafka. Et en début de bloc, on avait Mustapha Ketty et The Morpheus Project. Maintenant, on débute le troisième bloc avec une formation norvégienne qui est bien connue ici à l'émission. Il s'agit de Motor Psycho. C'est un groupe qui existe depuis 30 ans. On leur connaît 25 albums studio. Et le plus récent, qui vient tout juste de paraître, bien, s'intitule Kingdom of Oblivion. Et la pièce qu'on va entendre, c'est At Empire's End. Ensuite, on aura Elysian Field, qui est un groupe qui gravite autour d'un musicien multi-instrumentiste du nom de Mark Jeffrey. Alors, il se fait accompagner par des musiciens et des chanteurs. Il vient de faire paraître l'album Tales of the Magi. En fait, c'est paru en 2020. Et la pièce qu'on va entendre, c'est The Battle of Mogul. Et on va conclure avec une formation de la Suède du nom de Wonderland. C'est un groupe pas très connu. Ils ont seulement deux albums. Le premier qui est paru en 2009 et le deuxième en 2017. Celui de 2017 s'intitule Seven Wonders and Four Little Miracles. Et la pièce qu'on m'entend, c'est Hold My Soul. Mais auparavant, c'est Motor Psycho de Norvège. A dream reality like this life turned out to be. Let it bleed, let it burn, let it bleed, let it I'm Thank you. Rushing through the drawbridge, the scaly warriors float, devouring the castle has been draped. Victors of the battle, your jack will never reign, even though we hath escaped. Never healing wounds will give pain. The land has been freed of peace, now fills the air. Mugwort and his kingdom of beauty, oh, so fair. The earth is now a place of love and harmony. Mugwort and his truth. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Juste avant la pause, on a entendu la formation de Suède Wonderland et ça avait été précédé de Elysian Fields qui nous vient des États-Unis et en début de bloc, on avait la formation norvégienne Motor Psycho. Maintenant, on va aller du côté de l'Angleterre avec un musicien, un multi-instrumentiste du nom de Benko De Gaia. Il a quand même plusieurs albums à son actif, mais pas nécessairement dans le rock progressif. Alors, moi, j'ai détecté sur l'album Memories, Dream, Reflections, une pièce du nom de Terra Homme que je qualifie de progressive. Ensuite, on aura Lorenzo Esposito Fomassari, qui est un musicien multi-instrumentiste aussi, qui œuvre au sein de la formation O.R.K, alors qu'on a déjà fait jouer à l'émission. Alors, c'est un groupe qui a un seul album qui est paru en 2017. L'album s'intitule Hypersomniac et la pièce, c'est Erin Has Changed. Et ensuite, on aura Tony Lowe, c'est un musicien multi-instrumentiste aussi. Et on le connaît pour sa participation dans la formation ESP Project. Alors, Tony Lowe a aussi un album en solo qui est paru en 2011. L'album s'intitule Reflector et la pièce que j'ai choisie pour vous, mais c'est la pièce titre de l'album. Et étant donné que c'est la dernière émission de la saison 2020-2021, je vais conclure avec la pièce habituelle des fins d'année. C'est Shiver de la formation britannique Archive. Mais on débute avec Benko De Gaia. Thank you. dust, I know the name. Know the history. Lifeless eyelids open wide, it lies there. We're not talking anymore. Free and happy to ignore. No one, no one, no one, no one, no one seems to matter anymore. Thank you. qu'on vient d'entendre, c'est le groupe britannique Archive et la pièce Shiver. C'est, comme à l'habitude, la dernière pièce de la saison. Alors, je vous rappelle que Rock de Neuron cesse pour la période estivale, mais qu'on aura à l'occasion quelques émissions spéciales que j'annoncerai sur l'infolette que je publie à chaque semaine. Alors, ceux qui sont déjà dans la liste de distribution vont être au courant quelques jours avant l'émission. Et ceux qui veulent faire partie de la liste de distribution et recevoir l'infolettre, alors je vous invite à communiquer avec moi par l'entremise de la page Facebook de l'émission Rock de Neuron. Alors, on vous revient en septembre avec une émission remaniée. Alors, j'annoncerai les détails probablement à la fin d'août. Alors, d'ici là, passez un bel été. Et si la nostalgie vous prend, eh bien, allez sur la page Facebook de l'émission Rock de Neuron et vous aurez accès à plusieurs dizaines, en fait, probablement 200 émissions archivées. Alors, sur ce,